Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamozo, station 107 FM pour cette 16e chronique de Mille et une histoires de tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé de la deuxième partie du tatouage dentaire. Avions poursuivi par le style graphique et avions terminé par le motif du soleil et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons de la première partie du maquillage permanent, continuerons avec un style de tatouage et finirons avec des motifs et ses significations. Commençons maintenant cette chronique dirigée à 90% vers les femmes. Tout d'abord, il faut savoir que le maquillage permanent, aussi appelé dermographie, est loin de l'effet ultra maquillé. En effet, c'est une pratique qui consiste à sublimer la ligne des sourcils, à réveiller un regard qui pourrait paraître éteint ou à rafraîchir une bouche triste, le tout avec un résultat longue durée. Il est vrai que lorsque l'on pense maquillage permanent, l'on a tendance à imaginer des lèvres lourdement ourlées d'un trait foncé ou des sourcils redessinés de manière artificielle, mais ce n'est pas le cas. Le maquillage façon tatouage des années 80-90 est aujourd'hui passé de mode car depuis quelques années, la méthode a relativement bien progressé avec de nos jours la dermographie qui consiste à implanter avec une grande précision et de manière non définitive des pigments dans la peau afin d'obtenir des résultats très naturels. C'est une progression qui est devenue possible notamment grâce à l'allègement des textures et donc du rendu final encore plus transparent. Maintenant, les colorants nouvelle génération se composent de pigments organiques, sauf de minéraux, plus précisément l'oxyde de fer, dont la couleur virait au rose, au violet, à l'orange, au vert ou au bleu, ce qui donnerait un résultat moindre. Olivier Gay, un maquilleur professionnel spécialiste de regard, explique d'ailleurs que la demande se dirige maintenant vers plus de naturel, vers un effet nude qui sublime plus qu'il ne maquille. Ce dernier pratique les toutes dernières techniques de maquillage longue durée au sein de son studio parisien et nous livre les secrets d'une dermographie réussie. Cependant, qu'est-ce qu'une dermographie ? C'est un maquillage longue durée qui permet de rectifier un déséquilibre, même minime, et de mettre en valeur les traits du visage grâce à certaines corrections. Pour citer quelques exemples, il s'agit de combler des trous plutôt que de tracer une ligne complète de sourcils, d'effacer des cicatrices au bord des lèvres ou bien de densifier subtilement l'intensité du regard en intervenant entre les cils. C'est une pratique qui se fait à l'aide d'un stylo électrique muni d'un embout et d'aiguilles stériles. Et contrairement au tatouage, les colorants viennent se loger dans les couches superficielles de la peau, ce qui permet donc à celui-ci de ne pas être définitif et d'obtenir des tracés d'une extrême précision qui mènera vers un résultat bluffant de naturel. Mais comment se déroule ce traitement ? En général, il faut 3 séances pour le mener à terme. La première séance servira à effectuer un diagnostic et de réaliser un dessin avec un temps de réflexion pour se décider. Lors de la deuxième séance, le professionnel pratique la dermographie. Se déroulera ensuite 3 semaines entre la précédente séance et la dernière qui permettra de parfaire le résultat s'il y en a besoin. Bien sûr, pour avoir un résultat parfait, plusieurs précautions sont à prendre. Évitez la piscine, les séances UV ou les hammams dans les 10 jours qui suivront le tatouage. Et si vous avez peur d'avoir des marques, ne vous en faites pas, la dermographie ne laisse aucune marque. Et seules quelques petites rougeurs et quelques gonflements peuvent persister quelques heures, pas plus. C'est une technique qui est très utile pour reconstituer une ligne de sourcils ou de cils. De plus, il est possible pour les malades de cancer d'y bénéficier et les séances seront faites entre les séances de chimiothérapie. Par précaution, elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes en cas d'herpès labial. Un traitement médicamenteux est préconisé avant de faire le maquillage permanent. Vous devez vous poser plusieurs autres questions, telles que est-ce douloureux ? Comment trouver un bon professionnel ? Ou encore, quelles sont les zones exactes que l'on peut sublimer ? Nous verrons cela dans la chronique suivante, mais l'on peut déjà se rendre compte que le tatouage permanent n'est pas totalement permanent et qu'il est aujourd'hui plus utilisé pour rectifier certains défauts que l'on peut avoir. Il est donc plus de nature esthétique que significative, mais il ne faut pas oublier que certaines femmes malades de cancer ou non sont complexées par leurs défauts. Passons à la deuxième partie de cette chronique, un style de tatouage, le style ornemental. Oui, c'est un style plus réservé là aussi aux femmes. Bien que le tatouage ornemental apparaît sur le corps des jeunes femmes, l'on se rend rapidement compte que le tatouage n'est pas si jeune que cela. Luc Renaud, un docteur de l'école pratique des hautes études de Paris, nous apprend dans son mémoire intitulé « Le tatouage féminin dans les sociétés anciennes et traditionnelles, beauté, sexualité et valeur sociale » que dans les sociétés dites traditionnelles, le tatouage ornemental constitue un des moyens de différenciation sexuelle. En effet, la plupart du temps, la femme est davantage tatouée que l'homme. Ceci a été attesté depuis la plus haute antiquité autour du bassin méditerranéen, qui était fréquemment signalé par les voyageurs et les ethnographes dans de nombreuses régions du monde. Le tatouage ornemental est un style esthétique, et bien qu'une symbolique existe, elle n'est pas prédominante. Celui-ci permet d'embellir ainsi que d'endosser une fonction de parure ancrée. Ce n'est pas un tatouage à placer n'importe où car l'endroit choisi est capital. Tout comme sa forme, il doit valoriser le corps en jouant sur les courbes. En ce qui concerne les motifs, les possibilités sont pratiquement infinies, car ils peuvent s'inspirer de courants artistiques, comme l'art nouveau par exemple. La feuille d'encante, une plante vivace de la famille des Zancatacées, comprenant une trentaine d'espèces originaires surtout d'Afrique et d'Eurasie, ainsi que les arabesques issues de ce mouvement apparu à la fin du 19e siècle, apporte une dose de sensibilité bucolique. Il y a aussi, dans ce style de tatouage, des formes géométriques et symétriques, comme des rosaces ou des mandalas. Le journal du design, un site qui parle, comme vous l'aurez deviné, de design mais aussi d'architecture, d'art, d'high-tech, de la mode et aussi des tendances urbaines, rappelle que l'exécution de ce tatouage, doit demander de la part du tatoueur ou de la tatoueuse une grande finesse, ainsi qu'une très bonne maîtrise pour piquer les détails. Il existe bien sûr des artistes tatoueurs spécialisés dans ce style de tatouage comme Twix, tatoueur à Fatline, Tattoo Club à Bordeaux, Dodi, tatoueuse de l'Or Bleu située à Lyon, Anaïs Chabanne qui a son shop à Toulouse, ou encore Guy le Tatoué qui a ouvert plusieurs shops et qui tatoue un peu partout, Paris, Londres, Hong Kong, etc. Ce ne sont là que des tatoueurs français, mais il en existe aussi à l'étranger, tels que Chem McLeff qui a son shop à Berlin, Alexandra Bone avec son shop à Hull, une ville en Angleterre, ou Marco Manzo du Tribal Tattoo Studio qui se trouve à Rome. D'ailleurs, ce dernier ayant gagné près de 50 prix dans toutes les grandes conventions comme Milan, New York ou Berlin, est considéré comme le pape du tatouage ornemental. Le tatoueur italien habille les corps de ses clientes avec de magnifiques motifs mêlant l'art floral, la dentelle et en y ajoutant une pointe de dotwork. Comme vous l'aurez entendu, ce style de tatouage qui peut mêler formes géométriques et symétriques avec une infinité de motifs est plutôt réservé aux femmes. Libre à vous, mesdames, de vous renseigner plus sur le sujet, de contacter les tatoueurs spécialisés dans ce style et de vous lancer. Mais n'oubliez pas qu'il faut choisir avec justesse l'endroit où vous faire tatouer afin de jouer avec les courbes de votre corps. Passons à la dernière partie de cette chronique, des motifs et leur signification. Les motifs du jour sont la clé et la serrure. J'ai décidé de parler de deux motifs dans cette dernière partie car c'est un duo que l'on voit régulièrement. En effet, les clés et les serrures ou les cadenas sont des symboles fascinants qui sont devenus très présents dans les tatouages. Ce sont des motifs qui portent de nombreux symboles ainsi que de nombreuses valeurs. De plus, c'est un tatouage qui peut avoir une double signification à la fois d'ouverture et de fermeture. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un tatouage idéal pour les couples, dans lequel la clé et la serrure représentent l'amour et la fidélité. Et, afin de rendre cela plus évident, il est tout à fait possible de dessiner la serrure en forme de cœur. En ressort donc le message que l'autre personne a la clé de votre cœur, ou que votre cœur lui appartient, ce qui mène à un romantisme absolu. Vous pouvez aussi ajouter à ce tatouage une inscription, une date, un prénom, etc. Bien sûr, la clé et le cadenas ne servent pas qu'à représenter l'amour au sein d'un couple. Il peut aussi représenter toutes sortes d'amour et ou d'engagement envers un ou une amie, ou un membre de votre famille. Il peut donc être un tatouage d'amitié. Engagement et confiance envers l'autre personne est démontré via ce tatouage. Pour ne se concentrer que sur la clé, elle peut, de par son ambivalence, avoir de nombreuses significations différentes. Comme la clé peut servir à ouvrir toutes sortes de serrures ou de cadenas, elle peut être signe de liberté, d'indépendance et de savoir. Mais comme on l'a dit au début de cette dernière partie de la chronique, elle a un double sens. L'ouverture, certes, mais aussi la fermeture. Donc, comme elle sert à fermer et verrouiller, elle possède un caractère exclusif. C'est un motif qui peut avoir une infinité de designs possibles. Il symbolisera avant tout ce que vous voulez qu'il symbolise, la liberté, l'inconnu, le mystère, l'emprisonnement, le secret ou la sécurité. La clé, tête de mort, est une clé très particulière. En effet, elle permet d'ouvrir n'importe quelle serrure. En ressort donc un symbole d'opportunité. Ainsi, la personne portant ce tatouage sera capable de passer à travers tout ce qui lui est fermé et verrouillé. Mais ce n'est pas là sa seule signification. Elle peut être aussi perçue comme symbole de vie ou de mort. La clé donc, hiéroglyphe de l'Égypte ancienne, appelée aussi clé de vie, est un symbole divin symbolisant la vie éternelle et la force vitale infinie. Il est symbole de prospérité et d'abondance à qui il apportera. Au niveau de perspicacité et de sagesse ainsi qu'un symbole de fertilité ressort de cette clé et ce ne sont là que ses seules significations. Elle en comporte plusieurs autres comme le mélange d'éléments pour créer une vie, le soleil et la terre, les énergies masculines et féminines. Tout cela montre l'union des plus grands dieux d'Égypte, Osiris et Isis. Une nouvelle vie commence dans une harmonie parfaite de l'homme et de la femme. Les tatouages clés et serrures sont des motifs qui peuvent convenir aussi bien à un homme qu'à une femme. Donc si vous êtes dans une relation amoureuse très importante à vos yeux, ou que vous voulez représenter l'amour et l'engagement envers un membre de votre famille ou votre ami, alors le tatouage cadenas et clé sera parfait pour vous. Et si vous souhaitez vous faire tatouer la clé sans le cadenas, optez soit pour la clé tête de mort, qui signifiera que vous êtes une personne opportuniste, soit pour la clé de vie, si vous pensez que la vie éternelle et la force vitale et finie existent. A vous de faire votre choix, c'est vous qui portez ce motif, pas un autre. C'est ainsi que cette 16e chronique se termine. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Gamozo, sur son site à l'adresse www.radiogamozo.eu ou même par téléphone au 03 29 62 40 40. Bien sûr, cela va de soi que nous sommes ravis de vous répondre. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée.